24, 12, observation, question de service. C'est un libre service. C'est un bon restaurant, mais le service n'est pas rapide. Le service est compris, 15%. J'ai un petit boucher qui me sert très bien. Laissez-moi vous servir. Je vous sers. Servez-vous. Tu veux te servir de haricots ? Madame Courtois nous a servi un excellent repas. Elle a servi un gigot avec des haricots. Et Monsieur Courtois a servi un Bordeaux avec le gigot.